Line Eh bien oui. Oh, ok, on va descendre un peu. Comme vous pouvez m'entendre, j'ai un merveilleux, je ne sais pas si c'est une grippe ou un rhume, quelle est la différence? On me l'a toujours expliqué, mais je m'en souviens jamais. Donc, pour une fois, j'ai une voix ce soir radiophonique. Et on dirait même Francine Grimaldi. Vous ne trouvez pas? J'ai une consonance à la Francine Grimaldi. Vous la connaissez pas? Bon, d'accord. Sinon, nous allons commencer, débuter. Je suis très heureux d'avoir cette voix parce que pour une fois, je suis les rayons radiophoniques conventionnels. Pour une émission anarchiste, ça n'a aucun sens. Ma folie restera la même, ne vous en faites pas. Je n'ai pris aucune médication parce que, en fait, que tu prennes du sirop, que tu prends, après, tu peux prendre, tu peux prendre, prends, t'as peu. On peut prendre de la médication. Alors, c'est 6 jours de convalescence. Mais vous pouvez aussi ne pas en prendre. Et c'est 6 jours quand même de convalescence. Alors, aujourd'hui, le lundi 2 octobre. Ah oui, je compte. Oui, je mets ça sur la faute de la fièvre. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Je commence toujours par des textes. Alors, je vais aller voir là, comment je peux m'en sortir ici, comme ça, en direct. Là. En voir plus, merci. Comment tu peux appeler ça? Pas des favoris, mais des. Ouais, vous avez raison. Pas des souvenirs, hein? Voyons donc, oui. Ils n'ont pas mis ça. Oh, oui, souvenirs. Oui, c'est souvenirs. Alors, je vais prendre mes premiers souvenirs. Là. Quand j'étais petit. Je me rappelle que je n'étais pas grand. Mais là, ça cherche là-dedans. Ah, que ça cherche, OK. Alors, je vais vous trouver un texte là, comme ça, rapidement. Là, OK. Non, pas celui-là. Ne chassez pas le maître échassier. Je répète, ne chassez pas le maître échassier. Nous sommes un écho sans carrosse. Personne ne nous ramène au point de départ. Alors, un autre texte avant. Oui. Qui calme se pose sur la langue de chez nous? Qui calme? Ah, oh, OK. Qui calmant? Oh, je sais pas ce que je voulais dire par là, moi, là. Bailleur, ben oui, ben oui, ben oui. Et puis donc, oui. Quand la rose te fuit, Quand la rose te fuit, l'important c'est Béco. La dernière. On peut t'engueuler sur ton karma, puis ton carnet est déjà plein. Qui prend qui peut, comprend qui peut, comprend qui veut. Comme un fou, il s'intéresse à vous. Iggy Pop se propulse lui-même. Après 3 ans, puis un enfant, la maman tente de se retrouver. J'ai un début de nulle part. Hé, hey, le journaleux, quand le spectacle te dépasse, ose le dire au lieu de bondir sur un joint. Aujourd'hui, le lundi 5, oui, 5 octobre, non, 2 octobre, 2 octobre, t'as pu. Hé, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aujourd'hui, le 2 octobre 2000. 23, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kéké. Hey, on s'est ramassé, hein? C'est ça le professionnalisme, mademoiselle. Ça se rapporte pas. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! C'est une chanson que j'ai connu il n'y a pas si longtemps, moi qui me dis fan, un connaisseur de Jean Lapointe, eh ben, comme j'ai arrêté de me procurer des disques de Lapointe après

car je sais bien que j'ai raison. La chance, la scène, elle ne connaît pas ça. Vas-y, si tu veux gagner ton pari, faut que ça pleure, faut que ça rie. La scène a mis tous ses atouts, mais elle t'attendra au détour si tu n'as pas assez d'amour. La mort, c'est une scène après le show, quand derrière ton dernier micro, tu restes seul dans le silence, en espérant une autre chance, mais la scène ne connaît pas ça. Voilà. Et puis sinon, Gaétan, toi, tu ramasses ton mari à la petite cuillère, mais moi je te conseille de prendre la louche parce que t'en as pour toute la nuit. Ah, mais non, je veux pas dire qu'il a engraissé depuis quelques temps, mais il s'est émancipé. Non pas intellectuellement, mais au niveau de son gabarit, de sa graisse, de son abondance physique. Je crois que, selon moi, là, il est en dépression et il se laisse aller. Il se laisse aller vers où? Je sais pas, là, peut-être vers les endroits peu fréquentés, histoire d'être reconnu et retrouvé à sa juste valeur. Mais là, c'est de belle valeur, mais prends-toi en main, mon petit champion, là. Ta femme, elle te le dira pas, mais moi, j'ose t'informer que tu déformes. Pas la réalité, mais tu déformes ton corps. Tu sais, au début, on disait, hey, quel athlète! Aujourd'hui, on dit, wow, quelle frite sauce dégarnie, non, extrêmement juteuse. T'as la sauce, non, t'as la frite juteuse, toi. Ah, bon, doux. Je te conseille de manger de la salade, mais pas de vinaigrette surtout, juste de la salade. Bon, tu vas me dire que ça manque un peu de ça rehausse pas le plaisir de manger. T'as presque raison. Mais j'ai un petit truc pour toi. Des oignons. Bon. Certains vont couper ça en cubes, mais moi, je te conseille en rondelles. Pourquoi? Elle est mince, hein, la rondelle mince. Parce que la rondelle mince, ça va te... Quand tu vas mordre ça, là, tu sais, entre tes dents, là, c'est plus croustillant que quand c'est carré. Ouais. Tu sais, la texture est importante, hein, lorsqu'on se nourrit. Parce que, hein, je le mentionne souvent, on mange avant tout avec les yeux. Essayez pas de rentrer, des carottes dans votre temps. Non, après ça, vous allez vous rendre à l'hôpital. Excusez-moi, monsieur, là. Oui, j'attends, je suis à l'urgence, là. Mais j'ai écouté le gars à la radio, là, Rénal Gagné, là. Vous connaissez-vous cet animateur? Non, oui, je sais, il y en a tellement, hein. Mais c'est l'animateur vedette de CKRL. On n'a plus les vedettes qu'on avait, vous avez bien raison. Et puis, il a dit, hein, qu'on peut manger avec le regard. Fait que le regard, c'est quoi? C'est les yeux. Fait que j'ai essayé de me rentrer une carotte dans l'œil. Puis là, ça rentrait pas, je l'ai fait cuire. J'ai essayé en purée, ça voulait pas rentrer. Puis là, ça a comme fait un corps étranger. Puis regardez-moi ça, hein, c'est... Non, je vois pas très bien. Je me demande pourquoi Box Bunny mangeait autant de carottes, parce qu'il doit pas bien voir lui non plus, là. Mais lui, c'est bizarre parce qu'il se rentrait ça dans la bouche. Fait que comment ça l'animateur a dit? Ben, il se réclame réanimateur, c'est peut-être pour ça. Mais pourquoi il nous a dit là, à radio de s'en gêner là, qu'on mange par le regard? On mange pas par les yeux. Quoique si lui il fait, il devrait dire que ce n'est pas courant. Il faut une initiation, mais pas balancer comme ça à la radio, parce que moi, hein, je crois tout le monde, moi. Ben oui, quand mon député frappe à ma porte, votez pour moi parce que je vais vous aider à vous en sortir. Hein? Vous allez avoir plus d'argent dans votre compte de banque, vous allez être plus heureuse, Madame Tremblay. Puis là, j'appelle mon ami René, je dis René, mon mari René. Ils ont dit, il y a le député qui est venu chez moi, là, ben, qui est venu chez nous, parce qu'on reste ensemble, il est venu chez nous. Oui, j'ai un prospectus, ouais, ben, qui décrit, hein, il se présente là, là-dessus, puis ben, il m'a dit que j'allais avoir plus d'argent dans mon compte de banque. Fait que si moi j'en ai plus, tu vas en avoir plus aussi. On va-tu pour cet énergumène-là? Est-ce un charlatan? Va-t-il remplir ses promesses? Parce qu'une fois qu'on a dit oui, puis qu'il est rentré, lui-là, là, ben pas rentré, ben je l'ai fait rentrer, oui. Mais si, si ça va plus loin que ça... Non, non, il rentrera pas dans moi, voyons donc. Hey, il rentrera dans moi. Oui, wow, bon, ça y est, jamais joué. Non, moi, je suis... On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et puis, ouais. Ouais. Oui, OK. D'accord. C'est compris. C'est noté. Annoté. Dénoté. Canoté. Chanté. Chanter pour le plaisir du monde, chanter pour la misère d'autrui. Hey, ça, c'est une belle autrui. Mais moi, là, mes autrui, là, je les nourris pour qu'elles deviennent grasses. Plus elles sont grasses, plus lorsqu'on les abat pour les manger, parce que, de un, tous mes cochons ont un nom. C'est le minimum de respect que je peux avoir. Et j'en ai beaucoup plus que certaines personnes envers le cochon. Parce que le cochon me nourrit. Hein? J'en élève, là j'en ai 8 actuellement. Puis c'est pas pour mon élevage personnel. Oui, j'en garde un. Les autres, ben je les vends. Je les vends. Non, j'ai pas peur de le dire, je les vends. Mais je fais un méchoui. Alors dans ce méchoui-là, on mange mon cochon. Et c'est comme, tu sais, une carte de visite. Hey, là, ils sont là devant le plat. Oh, c'est juteux, onctueux. Oh, ça a du caractère, vraiment. J'ai dit, oui, c'est normal. Moi, mes cochons, je les laisse aller dans la prairie. Ils mangent de la bonne herbe. Ils se roulent dans la vase. Puis, arrêtez de dire que des cochons, c'est cochon dans le sens que c'est sale. Si mes cochons se tournent dans la boîte, c'est pour préserver leur peau, parce qu'ils ont une peau très fine. Et puis, s'ils ne font pas ça, ils vont se brûler la peau. Eux autres, ils n'ont pas d'huile, ils n'ont pas de... Ah non, non, non, non. Ils se roulent dans la boue uniquement pour se protéger. Bon. Là, j'ai essayé d'organiser, tu sais, une petite soirée, là, un méchoui, mais tu sais, un peu olé-olé, parce que je connais, hein, on est dans un... Ouais, j'ai un petit village. Oui. Où, à quel endroit? Je le dirai pas. Il y a des pistolets là-dedans. Il y en a 3. OK. Il y a un grand romancier qui habite là. Oh là là là là. C'est pas l'héritage. Oh bono, le temps d'une paix. Non, pas du tout le temps d'une paix. Non, pas le temps d'une paix. Non, mais oui. Ça commence. Oui, son nom, c'est comme RCA. Victor. Victor. Romancier. Québécois, la barbe. Bon. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à mes amis, puis même aux gens que je ne connaissais pas, juste pour faire la promotion de mes cochons, je vais faire un méchoui, mais c'est un peu Woodstock. Là, fait que préparez-vous, nous, on va faire comme eux, on va se rouler dans la boue, et puis on va avoir du plaisir, ne vous en faites pas. Alors, les billets, c'est 5$. En fait, si je vous fais payer, c'est pour être certain que vous allez être là. Et puis, aussi parce que je réserve là, l'orchestre. Eh, monsieur, directement de New York. Là, j'ai pas j'ai désigné le meilleur groupe. En fait, c'est du country rock folk. Country rock folk, oui. Le chanteur, là, parce que là, il est plus dans le même groupe, mais il a travaillé avec les plus grands réalisateurs dans les studios. Là. Il a travaillé avec Michael Jackson et puis sa femme, Presley, Madame Presley. Et puis même avec Elvis, le père de sa femme. Et puis la chorale des écoles chrétiennes. Si on chantait nos chansons, tu sais, la belle chanson, vous la connaissez? Si on chantait nos chansons d'amour, si on chantait nos chansons toujours, si on chantait, si on chantait, si on chantait un peu mieux, mieux vaut se calmer le pompon. puisque le tissu se fond, rare de nos jours, rare de nos jours. Ah, c'est des textes un peu étranges. Mais là, comme ils viennent des États-Unis, hein, ils vont chanter en anglais, puis, tu sais, les grands succès là, des années 50, 60, et puis c'est du folk, du rock, et puis, en fait, ils sont habitués de chanter devant des millions de personnes, puis là, nous allons avoir la chance d'être uniquement 120. 120. En tout et partout avec vos enfants, puis avec vos femmes, puis vos maris, puis au pluriel, puis si vous êtes, je sais pas, là, si vous couraillez là, à droite puis à gauche, surtout à gauche, ben, amenez vos... soyez cocufiez-vous, puis n'ayez pas peur devant votre mari de dire, ben écoute, je te présente mon collègue de travail. Même si c'est pas vrai, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Mon collègue de travail, Jean-Marc. Et puis, je connais très bien sa femme. Même si c'est pas vrai, parce que je sais même pas s'il y a une femme, mais c'est juste pour bien pareil. Puis, lui, il va se sentir moins cocu. Et puis, oui, il a un petit garçon incroyable, là. Et j'aimerais bien ça qu'il joue avec notre fils, Antoine. Bon, là, déjà, là, faut pas que tu mettes trop d'enfance, parce qu'il va, ben, il va se douter de quelque chose, là, t'en mets trop. OK. Et puis t'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu quoi? Oui, manger du méchoui avec nous. Ben nous là, les gens en général, là, qui sommes ici pour avoir du plaisir, puis pour propager les cochons que j'élève et que j'engraisse avec grand plaisir. Et quelquefois, surtout le samedi. Ah, oh, là, je vais vous raconter quelque chose. Une anecdote savoureuse. Ah, oh, c'est savoureux. Surtout le samedi. Tu sais, le samedi soir. On se laisse un peu aller, hein, à la festivité. On travaille dur, nous, sur la ferme. Ah oui, on travaille dur sur la ferme. Puis quand on écoute Terence Reynaldien, des fois, là, puis même à une certaine époque, on l'appelait, puis on disait, OK, la ferme est là pour t'écouter. Tu sais, le gars restait un peu figé, Reynald Gagné restait figé, tu sais, la ferme. Il dit, voyons donc, mon émission, c'est de parler, hein, d'improviser, d'essayer de trouver le chemin un peu infranchissable de l'humour, même si l'humour, pour certains, c'est pas la même chose. Là, tu sais, on fait pas du André Sauvé, on fait pas du Yvon Deschamps, on fait pas du Clémence Desrochers, on fait pas du Guy Bedos, du Raymond DeVos, on fait du Reynald Gagné, donc c'est à la mesure de sa démesure, comme il dit souvent. C'est Reynald Gagné qui dit ça. Je suis à la mesure de ma démesure. C'est bon, ça. C'est très bon. Il a dit des affaires totalement intéressantes, mais qui sont à l'oubli. Il y a tellement de choses qui se passent sur la planète qu'on oublie l'essentiel. Hein? Bon. Et puis l'essentiel, ben, c'est de propager la nouvelle, même si elle n'est pas bonne. Allons-y, éparpillons-nous. Alors, je nous imagine une fleur qui expédie sa senteur exceptionnelle, aphrodisiaque, tu sais, elle a la coupe afro, elle a la pistille au niveau, ouais, exactement, au niveau de la pétale, puis elle a une petite pétale courbée dans l'œil, tu sais, ça fait taquin, hey, c'est une taquine. Qui aime bien taquiner. Parce que si t'es une taquine, tu sais pas qui n'est pas taquiné, t'es pas une taquine. Ah non, t'es loin d'être une taquine. T'es une... C'est assez clair, ça. T'es quoi? T'es une fille qui veut propager quelque chose que tu ne connais même pas en toi. Donc, c'est comme le miroir. Ben, le miroir d'Orphée. De Jean Cocteau. Connaissez-vous Jean Cocteau? Il y a aussi le miroir, là, qu'un très connu là, de Walt Disney. Hein? Dis-moi qui est la meilleure, qui est la plus belle, blablabla. Mais Jean Cocteau, franchir le miroir, entrer dans les... Avez-vous déjà entré dans un miroir? Seulement le samedi, hein? Puis je me roulais dans la boue pour connaître les cochons, puis en fait, je me suis fait beaucoup d'amis cochons. Et puis moi, mon plaisir, c'est le cochonnet. Ah oui. Puis moi, j'ai une joueuse de pétanque. Un pétanque, j'adore la pétanque, la pétanque, en tout cas. J'aime bien les affaires, les boules. Sans aller aux boules, là, moi, j'aime jouer aux boules. prendre la chose en métal, là, tu sais, il fait chaud à l'extérieur, c'est humide, et quand tu touches à ça, c'est froid. Donc, ça fait du bien à la main. Et puis, il y a comme une énergie astrale qui communique entre la boule, ta peau et l'au-delà. Et quand je la tire, cette boule, devant le plus près possible du cochonnet, en éloignant toutes les autres boules, c'est ça le but de pétanque! T'as jamais su comment était le règlement de la pétanque? Et pétanque, c'est très pathétique, la pétanque. C'est d'être sérieux dans ta démarche, de déplacer tout le monde à côté du cochonnet que tu veux enlacer, que tu veux embrasser, que tu veux t'offrir. Ça, c'est comme une cougar, là. La cougar voit le cochonnet, tout le monde autour, tu sais, toutes les femmes autour, puis là, il dit, ah, non, c'est moi qui vais l'avoir, le cochonnet, là. Fait qu'au lieu de s'approcher du cochonnet, elle déplace tous les vautours autour. En déplaçant tous les vautours autour, elle se trouve seule devant le cochonnet. C'est pas compliqué, c'est une mobilisation très simple. Ok, on peut danser. Radio, s'il vous plaît. Ça tombe bien, on est à la radio. Non-satisfaction, unless you're out in the woods. I need a miracle fantasy with this fiction addiction. My avatar's getting played. I want points, get this princess saved. I need a date. Tonight is the night. We're gonna get it on tonight. In spite, in flight, gonna shed some light. Cause it's dark outside, but inside it's bright. You see, I see, but we're out of sight. So clearly we're it, connection is tight. At one with the room, big bangs tonight. Levitate, rotate, dissipate the light. Cutting down with no fuss and no strings attached and no need to rush. Give you what you want, but it ain't enough. We ain't no comic strip, but we marvelous. Time to give you something that reminds you of good times, the bad times, the ones that we shine. Can't roll the clock back, but tonight you're mine. I went to the store, but I can't take it no more. My mom said, lower your standards, forget the 10, you need a 4. It's not models I want, who says that models are hot? Well, I hear they dress well, smell nice and talk good. Mingle, nope. Party lines with married moms, working out with golden hounds, coffee shops and speed dates with hot older ladies, but I can't find me the one. It's just misunderstood and plus size. I could love it all. It's up in the air like bad hair, but I don't really care. Enough, I don't care what's there. Looking people up like a phone book at the book fair. True player, eating donut the banana. His hair's more hooked, V-neck is more hair. Something special tonight. I need some love and something special for life. You know that we'll be coming when the sun be rolling out. Lay it on thick when I slide with my mouth. Like it when I lick it, know you like it when I pick it back. Time to lay low, kick back and chit chat. tonight. Hey, Radio doit être... Le groupe doit être extrêmement heureux de se retrouver à la radio. Parce que quand tu t'appelles Radio et t'es pas à la radio, tu te dis, voyons donc, j'aurais dû m'appeler TV. Mais au niveau auditif, ça fonctionne pas très bien. Quoique aujourd'hui, tu peux être surround digital, Dolby, hein, à la télévision. Mais ce qui tue un peu, c'est le HD. C'est la haute définition. C'est, tu sais, quand t'as un petit point, là, au niveau de la lèvre, ici, tu sais. Non, c'est pas malsain, là. Tu t'es levé le matin, puis tu avais un petit bobo, puis là, tu passes à la télévision. Puis tu sais que ça va être 4K, peut-être, là. Puis là, le bobo va te grossir, parce que moi, dans ma tête, là, quand j'ai un petit bobo, je vois que tout le monde voit le bobo, mais c'est pas vrai. C'est dans ma tête. Mais là, comme ça fait déjà un mois et demi qu'ils te disent, nous allons aller tourner chez toi pour voir comment fonctionne un errant rénaldien, parce que ça fait des années que tu fais cette émission-là, puis bon, on aimerait ça que ça soit présenté au public, là, à la télévision, genre, bon doux, que de gloire, mais là, quelle télévision, quelle chaîne télévisuelle? Je veux pas aller dans n'importe quelle chaîne, je veux pas en nommer, là, mais il y en a que je déteste. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de mes espérances, oui. Tu sais, les nouvelles, là. Pas les informations, mais les nouvelles chaînes, là. Bon. J'ai pas encore évalué, mais il y en a certaines. Je veux pas aller là-dedans. Je veux pas. Quoique, tu sais, on devrait dire, sois pas si gourmand. Accepte tout. Après ça, quand tu auras une certaine notoriété, tu pourras, comme ça. Hein, à la vedette, jouer. Ah, ben écoutez, là, c'est bien dommage, mais la radio d'État là, me propose un documentaire. Donc, vous, hein, 5 minutes sur ma personne, ce n'est pas assez. J'ai quand même 19 années de service à CKRL. Et puis, bon, on m'a approché partout, là. Ben, mes personnages, là, pas moi personnellement, puis pas dans les gens extérieurs, mais dans ma tête, on me demande régulièrement de signer des autographes. D'embrasser des vedettes, Nicole Kidman. Ah, oh, Nicole Kidman, c'est mon amie. Si vous la rencontrez à un moment donné, si vous partez à Los Angeles, elle n'est pas là, mais elle peut tourner à Los Angeles, et vous la voyez, ne vous gênez pas, dites-lui, ah, vous connaissez Rénal Gagné, et vous serez VIP pour une soirée extravagante avec elle et tous ses acolytes, tout son univers, toute sa planète, parce que j'ai rencontré Nicole Kidman, mais ça reste très simple. Hein. Bon, j'en parle pas à tout le monde. Ce soir, bon, je me libère un peu, mais je suis pas libéré, mais j'ai rien à cacher devant mon public. Nicole Kidman, ben oui, Rénal Gagné, c'est très beau, là. Et ça va pas plus loin que ça, tu sais, je veux pas non plus partir de fausses rumeurs, je ne suis pas un itinérant, là, d'une certaine hiérarchie sociale, il n'y en a pas d'hiérarchie sociale. Tout le monde est pareil devant la mort, devant la vie, devant l'amour, mais pas devant l'argent. Bon, c'est rapide, ça, puis jamais devant l'argent. Mais là, la première chanson de Jean Lapointe, je vais vous la faire jouer, ça, si vous l'avez pas. L'avez-vous entendu, madame? Ah, oh, mais c'est pas grave, moi, écoutez, avant la nonifion. Parce que mon mari m'a dit, hey, ça, tu peux l'écouter, tes folies, parce qu'il trouve que c'est des folies, il est en balado-diffusion. Je dis, voyons donc, oui, depuis 4 ans, ah, mais moi, j'ai appris des mots, hein, c'est balado-diffusion. Ben, qu'est-ce que tu disais avant? Oh, ben, j'ai dit, cast, comment? Il y a comme des blocages. Proscast. Ah. Tu nous vois le prostituer? Non, proscast. Voyons donc, en anglais, là. Ah, d'accord, oui. Mais quand il y a un mot extraordinaire en français qui s'appelle mananonifunion, hein? Nous sommes en balado. Ben oui! Propageons la nouvelle. J'étais avec un animateur d'une radio d'État en France et qui est à sa retraite aujourd'hui depuis 5-6 ans. Et j'avais annoncé que, bon, balado diffusion, je vais l'utiliser, là, dans... OK, oui, je sais que ça existe. Pourquoi on continue à dire podcast, bon? Et puis, après coup, j'ai continué à écouter cet animateur que j'adore. Que j'adorais. Il est encore vivant, mais il ne fait plus de radio. Et il continue à dire podcast. T'sais, pour être gentil, là, devant la radio CKRL, il nous a fait croire qu'il allait utiliser parce que je lui avais comme ramené à l'idée qu'il existait. C'est comme SMS. Bon, on pourrait dire texto. Pas des textoys, madame, là. Textoy, c'est une autre chose, là. Textoy, c'est pas textoy, mais en tout cas, c'est à moi. Hein. C'est des jeux vilains. Vilains, pas pingouins. Ah non. Vilain pingouin, c'est plus très vilain, pingouin, là. Ah non. Là, les pingouins sont loin. Ils aimeraient ça revenir, là. Bon. Mais c'est autre chose. Et la vie nous ramène ou nous éloigne du métier. Le métier... Non, pas le plus vieux métier du monde. Non. Le métier tout court, là, quand t'es un chanteur, le métier, c'est, hein, c'est artistique. Quand t'es danseur, ben, le métier, c'est artistique. Quand t'es poète, ben, l'univers, c'est intellectuel. Quand t'es, auteur, compositeur, interprète, ben, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi ton univers intellectuel, l'univers du spectacle, l'univers... Tu sais, on n'est pas unique dans une branche. C'est comme un arbre. Hein? Comme disait Zachary Richard. Connaissez-vous Zachary Richard? Le chanteur? Oui. Le compositeur-interprète, le grand musicien, le poète, l'homme tout azimut. J'aime ça dire tout azimut. Tout azimut, c'est beau tout azimut. Mais on massacre l'écriture quand on l'écrit. Il y a seulement une façon de l'écrire. Vous aimeriez que je vous le... Non, c'est pas le temps, là. Puis on a pas cette chance. On faudrait diffuser encore du... radio! Excusez-moi, je vais l'appeler. Radio... Mais en fait, c'est un groupe, là. Je me dis ça, je vais l'appeler. Radio... comment ça, il manque des disques? OK. Radio! Non, parce que j'ai vu que... les gens savent pas, là. Ils savent pas pourquoi tu dis ça. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je suis au courant. Mais c'était tant mieux. Mais là, tu donnes au public quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Tu sais, pour moi, c'est comme l'algèbre. L'algèbre, j'ai rien contre. Mais explique-moi ça intelligemment pour que ce soit compréhensible pour quelqu'un qui voudrait comprendre. Mais qui est incapable parce que c'est trop complexe. Tu sais, 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. 4 plus... On peut faire ça pendant des semaines. Mais, à un moment donné, ça peut se complexifier. Puis là, ça dépend si aussi tu es créatif, si tu es cartésien. Chacun est différent et c'est ça qui est beau. Hein, Radio? My dance floor, my domain. Ain't no shame in having game. This is my my territory. Hooking up with Beth and Lori. This is the real thing. The hit and switching game. Know my name and know my show. Never see my eyes on the radio. Take a listen, just what I say. You wanna go dance on the floor? Okay. Everyone is feeling fine. Dance on the floor or dance in line. Hold up, it's packed in here. Too many ladies sipping beer. Oh no, it's shot time. Shoes, this is my time. I see the dance flow. I'm so ready, you can't ignore. I got my moves, I got my shoes, I got my outfit. This is my world, like dancing is living, and living isn't enough, cause it's my dance floor tonight. I see you, I see you, I see you, I see you, I see you dancing. Why are you dancing? I see you, I see you, I see you, I see you, I see you dancing. Why are you dancing? Why are you dancing? Why are you dancing? Why are you dancing? Get off my dance floor! I see you dancing. Why are you dancing? Get off my dance floor! Get off my dance floor! I see you dancing. Why are you dancing? Bonsoir. Oui, c'est Chico Baudouin. Oui, le beau-frère de Gaétan. Ben oui, Gaétan est tombé dans l'océan. Ah oui, oui, mais on l'a récupéré, hein, dans un seul morceau. Ah oui, ah oui, elle était heureuse. Heureuse comme une baleine dans l'eau. Bon, elle nous a demandé de la relancer parce que ce qu'elle veut faire, elle, puis elle nous l'a jamais dit, tu sais, c'est comme mystérieux chez elle, là. On veut pas dire que c'est toute une maladie mentale, quoique. On sait pas. On va laisser 3 points de suspension, si vous voulez, M. Tremblay. Moi. Mais ce qu'elle veut, elle veut prendre, elle, régulièrement, c'est des bains de minuit. Mais là, on l'a cherché, il était 3h du matin. Là, quand on l'a repêché, on lui a dit, il n'était pas minuit. Elle dit, moi, non, mais là, je me suis pris un peu trop tard. J'ai écouté l'émission Errance Renadienne le lundi. Il était 2h du matin. Puis là, j'ai décidé après ça ben, de prendre ma douche, puis de me préparer, puis de choisir mon meilleur maillot. Puis là, il était 3h. Puis là, avant que je me rende là, il était 3h05. Puis là, je me suis garoché dans l'eau. Puis là, blablabla. Puis là, je m'amusais. Puis là, les gens pensaient que j'étais en train de me noyer. Fait que là, ils ont appelé la police. La police n'était pas prête. Elle pouvait pas aller dans l'eau. Il y avait des voitures. Ils étaient en voiture, pas en embarcation. Pas pouvoir, il pouvait pas venir me rejoindre. Et puis donc, avant qu'il appelle, là, ouais, l'agent de côtière, tu sais, eux autres, ils sont prêts 24 heures sur 24 aussi. Tu sais, tu dis à l'agent de côtière, écoutez, là, il y a une bouée, on sait pas c'est qui, là, ou quelque chose, ça me semble être étrange, mais si ça bouge les mains, mais c'est très venteux, donc ça peut être qu'une genre de oui, exactement, un tissu qui s'agite. Ou une main, on peut pas savoir. Mais pouvez-vous nous envoyer votre bateau, puis s'il vous plaît. Fait que, là, bien sûr que là, les gens, là, pour une fois, à cette heure-là, hey, c'est tranquille, là, au mois d'octobre. On est au mois d'octobre, là. C'est tranquille, au mois de septembre. On est au mois de septembre. On est à quel mois, là? Moi, je m'endors, puis j'ai peur de me réveiller au mois de, tu sais, qui me passe quelques années. Non, non, on est 2 octobre. Fait que là, tu sais, 2 octobre, qu'est-ce qui se passe, là, dans l'eau? Oh, mon Dieu, hey, les brochets, là. Ça fait longtemps qu'ils sont dans un autre monde. Hein? La grenouille, la grand gueule. Ça fait longtemps qu'elle l'a ouvert, sa grand gueule. Ma belle-mère me l'a dit. Je la connais, moi, mais la grenouille à grand gueule. Je le sais, je le sais. Je pense qu'il y a des liens familiaux. Hein? Des liens? Non, non, des liens familiaux. Non, la grenouille à grand gueule, là, c'est arrivé avant mon beau-père. Mon beau-père est né, là, à Natashquan avec Jean-Pierre Lemieux. Jean-Pierre Lemieux, c'était le grand-père de Jean-Pierre Lemieux, là. Pas le petit Jean-Pierre, là, celui qui faisait des barbouilles, là, avec ses excréments, là. Tu sais, c'était une nouvelle. Mais lui, il voulait lancer une nouvelle mode. Puis, tu sais, tout le monde, quand il regarde, « Ah, oh, ça vaut pas de la merde. Bon, » mais c'est assez, mais comment ça vaut pas de la merde? Ça en est de la merde. Ça vaut de la merde. C'est de la merde. Tu sais, les intellectuels, ah ben écoutez, là, c'est une nouvelle mode, on ne sait point, là, à quoi se référer, dans quel grand livre, quel catalogue, là. On va aller à New York, à Paris, à Londres, partout, dans les grands, même en Italie, oh, pourquoi pas. Et puis, nous reviendrons avec des textes, là, très forts, pour évaluer ce que je vois ici, maintenant. Mais c'est, de un, c'est étrange, donc intéressant. Ça ne s'est jamais fait. Donc, intéressant. C'est nouveau, presque d'avant-garde, donc c'est encore doublement, triplement intéressant. Avant de vous dire, bon, rapidement, là, instantanément, que ce n'est que de l'art brut, quoique de l'art brut, je n'ai rien contre. L'art brut amène l'art à se révéler autrement. L'art est prêt à se travestir. L'art est prêt au travestissement. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans l'art. C'est comme dans la danse, il n'y a pas de hiérarchie dans la danse. La danse classique est aussi fabuleuse que la danse contemporaine. La danse contemporaine est aussi fabuleuse que la danse en ligne. La danse en ligne, ben, est aussi intéressante que de la danse, là, tu sais, la danse, la belle danse, la danse country, c'est beau de la danse country. J'ai rien contre la danse country, il n'y a aucune hiérarchie dans l'art. C'est l'être humain, malheureusement, qui place, qui catalogue tout dans tout, tout dans rien. Donc, laissons la place à la création. Contemplons-la. Si nous ne l'aimons pas, on peut critiquer, mais si c'est des critiques, s'il vous plaît, faites de la critique qui peut améliorer le tout, et non pas effondrer ou brûler ou cracher ou détruire. Ah, comme disait Marguerite, détruire, dit-elle. Hein? Ça, c'est des références, là. Marguerite Duras, Détruire, dit-elle. Excellent roman, mais très court. Même, je crois que c'est simplement un récit ou une nouvelle d'une soixantaine de pages. Je vous le conseille fortement. Détruire, dit-elle, de Marguerite Duras. No reason to get real upset. Don't know when I'm coming home. Square OG on classic dome, don't have it to have it. My hammock is my type of throne. I try so hard to get by, I'm not depressed, I'm just high. But back to basic, let's face it, I wish that everyone made it. But it's a pipe dream to help your self-esteem cope. So just laugh, it's a joke. I wanna puff on the smoke and just puff, puff for the magic dragon. You tough but soft is hidden. Give it up to the woman singing. Hallelujah, yes, we're winning. Uranium, you outside inside. Get high, what I can find. Everything you need for speed comes in an endless supply. Speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume, speed up the volume. I want some more, just give me more. I want some more of that volume, baby. I want some more, just give me more. I want some more of that volume, baby. Give me some magic. I want some magic, magic. So we can have it, have it. Give me some magic. I want some magic, magic. Bring me the magic. So we can have it, have it. I've got a lot to say, but music's getting in the way. Man, every time you say it's all about the music, lyrics are a secondary process to the music. What makes the song good? Drum rolls or bass line? Feeling like in space, cloud nine, on my face like snare on a tempo. So sentimental, stand up for the right to write a lyric, please. So important, but really unimportant. Tell me what you gotta do to even write a song like I don't need another melody, I don't need another bass line. All I need is some words, you see. So how about you bring me some poetry? I don't need another melody, I don't need another bass line. All I need is some words, you see. So how about you bring me some poetry? So then came the word, yep, everybody heard. I'ma pump that shit out with my fine French slur. Burr, it's cold, gots to get me my fur. Gonna warm it up next to my fire. Word of the wise, trying to get me higher. Put your name on the beat, turns out you a liar. But it's all good, it's you I desire. Your PR game's tight like a pair of pliers. One of a kind, but the loops, they're repetitive. This is why the story changes, this is why the song's good. Thank you, producer man, to try to make me feel good. One of a kind, but my lyrics, they're repetitive. I need a feeling like I need another keyboard. Pieces to the puzzle, making noise like a seagull. I get the feeling when your body starts to bubble head. Whoop, there it was, build it up and drop it down again. Baseline. All I need is some words you see. So how about you bring me some poetry? Aujourd'hui, ah, Lana Desosa. Oui, auteur, compositrice, interprète, fille intelligente, brillante, scintillante, oui, explosive, Lana Desosa. À toi, l'artiste. Vous êtes la lumière de mes nuits. Vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, si vous pouviez vous taire un peu. Oh s'il vous plaît, vous êtes la lumière de mes nuits. Vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, quel kiff ce serait de vous laisser sur le palier. Très fort mes fichiers, mais si je pouvais, le temps d'une sieste, vous oubliez une heure ou deux, mes petits chats, ce serait le paradis. C'est vous qui m'avez faite mère de tout mon cœur, je vous adore, mais pour être vraiment. sincère, j'aimerais parfois dormir dehors. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, si vous pouviez vous taire un peu, oh s'il vous plaît. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, quel kiff ce serait de vous laisser sur le palier. Terrible, je ne pense même pas que j'y survivrais. Mais est-ce qu'il me serait possible de prendre un jour mon bain en paix? Je voudrais tellement dîner tranquille sans que le menu vous fasse râler. Fais plus caca jusqu'en ton part, j'en ai marre d'arriver en retard. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, si vous pouviez vous taire un peu, oh s'il vous plaît. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Mais bon sang, quel kiff ce serait de vous laisser sur le palier. Mais ce soir, j'ai mojito, c'est votre père qui gère le dodo. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Allez, bonne nuit mes petites chéries, moi je sors avec mes amis. Vous êtes la lumière de mes nuits, vous êtes le bonheur dans ma vie. Bisous bisous, je vous aime très fort. Oh, allez vous coucher. Maintenant, on dort. Allô? Comment ça va? Ça va et toi? T'es en vélo? Oui. Ben, je suis en casse de vélo. Non. Ça va bien? Je suis pas contente. Ça va. Écoute. Ben, tu mets un casque de moto pour un casque de vélo? Ouais. Okay. Je suis en vélo électrique. Ah, ok. Ah oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va bien toi? Écoute, ça va et toi? Ben, ça va bien, moi aussi. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qui te fait plaisir? On va attendre un petit peu. Ah oh, oui, oui. Merci. Merci. Es-tu fumeuse? Non. Ok, ça dérange pas d'être à l'extérieur? Ok. Tout va bien. Parfait. Okay. Hey, t'as des journées bien remplies? Oui. Oui. J'en ai très bien remplies. Un peu compliqué même. Ouais, à gérer, hein? Oui. Ah, c'est pas évident. Non. Non. Hey, mais on a beaucoup d'amis en commun. Oui. Et je te... Parce qu'on est en contact sur Facebook depuis un bout de temps, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça? Alors, c'est de là mon élan. Et ça fait longtemps que je veux cette rencontre-là. Parce qu'il y a plein d'amis qui me parlent de toi. C'est vrai? Puis sur Facebook. Qui te parle de moi? Ah ben, écoute, on a plein d'amis en commun. Il y a la... moi les noms. Comment qu'elle s'appelle? Donc, elle vient de sortir un album. Marine Williamson? Non. Ah ben oui, je l'ai rencontré hier. Ah oui, ah tu le savais? Non. Non? Ah oui. Je l'ai rencontré ici même, mais en matinée. Donc, Kat Lewis. Kat Lewis. Lewis, oui. Donc, je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Ouais. Elle m'avait parlé de toi. Ah oui? Là, on était amis sur Facebook et puis ça a fait qu'à un moment donné, il fallait bien se rencontrer. Oui, c'est parfait. Hein? Écoute, ben voilà. Et toi, t'es auteur, compositrice, interprète. Ouais. Et tu n'es pas née à Paris, tu es née en banlieue? Non, je suis née à Paris. Ah, tu es née à Paris? Je suis née au Bluet. Mais, au Bluet? Ouais. C'est où? Les Bluets, c'était dans le 11e, maintenant c'est dans le 12e. Mes fils sont nés là-bas aussi. Mais pourquoi ça s'est transformé de d'arrondissement? Ouais. Ils l'ont poussé? Ouais, ils l'ont poussé. Et puis après, mes parents ont déménagé. Moi, j'arrive d'Angers maintenant. Ah oui, c'est ça, Angers. Ouais. Ok. Donc, et tu es revenue à Paris? Je suis revenue à Paris pour les études et le boulot, ouais. Le boulot, c'est? Bibliothécaire. Ah oui, c'est bien. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ça joue beaucoup dans l'univers créatif, les livres, tout ça, la poésie. Et tu vois passer les ouvrages, donc c'est pas... Et c'est surtout que c'est une bibliothécaire un peu spéciale, c'est-à-dire que je travaille pour les comités d'entreprise de la SNCF. Ok, ouais. Ok. Ouais. Et donc moi je suis responsable de propositions pour que 180 bibliothèques du réseau fassent leurs achats après. Oh, ok. Ok, donc leurs acquisitions sont faites sur la base des propositions de mon équipe. Ah, il y a beaucoup de pression. Non, il n'y a pas beaucoup de pression, non. C'est juste que c'est de l'organisation parce qu'on travaille qu'avec des parutions de l'année. Et moi, j'ai le domaine, un de mes domaines principaux, c'est bande dessinée, comics, manga. Okay. Et juste, c'est explosif. Il y en a trop. Ouais, il y en a beaucoup. Donc, il faut s'organiser pour repérer ce qui semble être intéressant, proposer les grosses sorties pour que les bibliothécaires puissent les acheter, mais aussi des petites pépites à côté. Ouais. C'est un peu exigeant. Oui, mais tu reçois beaucoup de bouquins. Ouais. Donc, tu mets en pratique au travail ce que tu fais aussi à la maison, l'organisation, toujours l'organisation. J'essaye, je suis pas bonne en organisation. Ah non! Mais pourtant? Je dois être bonne en organisation quand même, je veux dire, j'ai deux enfants, deux métiers. Ouais, c'est ça. Un chum à Toulouse. Oh, il est loin. C'est compliqué. Mais toi, tu es auteur, comme je le disais, compositrice, interprète, et tu écris depuis combien de temps? Est-ce que tu écrivais de la poésie quand tu étais petite, au journal? Ou... Moi, j'ai toujours beaucoup écrit. Mais j'ai commencé à écrire des chansons, j'avais 17 ans pour ma première, parce que j'ai commencé la guitare vers 17 ans. Donc voilà. Mais j'ai recommencé à écrire en 2017, 2018, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai arrêté d'écrire pendant presque 15 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais avec un homme qui aimait pas ce que je faisais, donc qui sortait de la pièce dès que je prenais la guitare et ça m'a coupé tout élan de créatif. Création. Ouais. Ah oui, je comprends. Et puis j'ai fait une dépression et puis je me suis mise à écrire. Non, mais c'est fou quelqu'un qui croit pas en toi ou qui n'aime pas ce que tu fais, c'est quand même... C'est ça. Mais bon, en fait, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Ouais. J'aime bien. Contre ton corps, je voudrais serrer aussi ta corps. J'aime passer du temps avec toi, même si je préfère qu'on soit dedans. Je suis sûre qu'on peut trouver comment faire un peu la même chose dehors. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est dingue, c'est fort, fort, fort. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est dingue, c'est fort, fort, fort. Je veux ta peau, je veux ton corps, je veux tout ce que t'es, dedans, dehors. Je veux ta lumière et tous tes ors, même ton côté connard, d'accord. Je veux sentir tes doigts sur mon corps et tes caresses, dedans, dehors. J'aime tendresse et quand tu mords, je voudrais que tu sois à moi, d'accord. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est dingue, c'est fort, fort, fort. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est dingue, c'est fort, fort, fort. Sentir ta langue dans mon dos, je veux ton corps dedans, dehors. Je voudrais ta peau contre ma peau, que tu veuilles que je sois à toi, d'accord. Je veux lécher la sueur sur ton ventre et mettre mon nez dans le creux de ton cou. Je veux que tu frissonnes sous mes doigts et que tu me dises que je suis à toi. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est dingue, c'est fort, fort, fort. C'est fou l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est un zèle. Fort, fort, fort, c'est fou. L'effet que tu me fais, c'est doux, c'est un zèle. Fort, fort, fort, c'est fou. L'effet que tu me fais, c'est doux, c'est un zèle. C'est fou, l'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est un zèle. Fort, fort, fort, c'est fou. L'effet que tu me fais, d'accord. C'est doux, c'est un zèle. Fort, fort, fort. Et les premières chansons, est-ce que ça parle un peu de ça? Les premières chansons de reprise? Ouais. Ouais. Oui, oui, ça. Ça ouais, ouais, de reprise, pas de reprise de chansons, mais de reprise de crayons. Ouais. Ouais, ok. Alors, tu as voulu psychanalyser tout ça. Ouais. Et. Elles sont pas dans l'album. Non, mais ouais, c'est ça, c'est trop sombre. C'est trop sombre. Oui, c'est trop sombre. Et puis surtout, la personne avec qui je travaille estime à juste titre que tout le monde fait des chansons tristes. Oui. Mais que moi, je sais écrire des chansons drôles. Ok. Et que du coup, on a construit l'album de façon à ce qu'il y ait, on va dire, trois chansons un peu enlevées et une chanson basse. Ok. Donc voilà, donc ah un oui, rythme comme ça. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Ok. Et donc du coup, on a choisi des chansons un peu entre deux, qui soient un peu mélancoliques, nostalgiques. Mais pas des qui plombent. Ouais. J'en ai une qui plombe, mais le reste, pour l'instant, ça va. Ouais, mais ça, c'est sûr. Dans l'album d'après, il y en aura beaucoup plus. Ok. Je sais pas comment on va faire. Parce que j'ai moins de chansons drôles après, tu vois. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que avant de les placer sur un disque, ces chansons-là ont vécu. Et là, tu sais la réaction du public, donc tu peux la connaître un peu plus, ta chanson. Tu peux une fois en studio, mettre plus d'emphase sur peut-être les instruments ou sur. L'orchestration? Ouais, alors ça, c'est lui qui fait les arrangements derrière. Moi, tu sais, c'est comme quand tu emménages dans une maison. Moi, je fais partie de ces gens qui sont infichus de savoir qu'est-ce que ça pourrait ressembler si tu enlèves deux meubles, deux murs et que tu repeins en blanc. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc, du coup, bah, pour mes chansons, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'étais incapable de me projeter de quoi ça ressemblerait avec un arrangement. Ben, c'est pas mal. C'est encourageant, c'est vrai. Mais du coup, mes chansons dépressives, eh bien, mon arrangeur ne les aime pas non plus. Oh. Donc, ils freinent des cas de fer. Je ne sais pas ce qu'on finira par faire, mais il y en a quelques-unes auxquelles je tiens beaucoup. Oui. Et d'autres, dont ces changements, les chansons que j'ai écrites au moment où j'ai décidé que maintenant ça suffisait. Ouais. Oh, oui. Et que j'avais besoin de création dans ma vie pour m'équilibrer. Ouais. Les vraies chansons de dépression, je ne sais pas si un jour elles seront sur les albums. Ok. C'est presque. Je ne sais pas si elles ont grand intérêt pour le reste du monde. Elles ont du sens pour moi. Après, de là, est-ce que ça ait du sens pour les mettre sur un album? Je ne sais pas. Mais tu les fais sur scène? Je les ai fait sur scène, je ne les fais plus. Ok. Pourquoi? Parce que tu sentais que le public... Il y a plusieurs choses. Généralement, je les fais quand je vais pas bien. Ok. Je fais des chansons... je commence par une chanson triste et ensuite je remonte en intensité. Ouais. Ça ouais. me permet de vider le sac. À crescendo. Voilà, je vide le sac et en fonction de pourquoi je vais pas bien, je choisis la chanson en fonction. Ah oui. Ou je vais mieux, c'est ça? C'est la ça. Chanson ou ça? Et non, la chanson qui me permet d'aller dans ce sentiment-là et ensuite de pouvoir passer à autre chose. Ok. Voilà. Mais en fait, je me suis séparée l'an dernier, donc en ce moment, la chanson qui n'est pas dans l'album, que je joue facilement, c'est la chanson de séparation. Ok, ouais, ben oui, de rupture, ouais. Mais du coup, pas les chansons que j'ai écrites il y a 3 ans. Quoi. Est-ce que dans ta première mixture, là, quand tu faisais avant que tu quittes ton copain, est-ce que tu avais le même style ou si c'est l'évolution de ce que tu as vécu qui t'a permis ou qui t'a fait écrire autrement? Non, j'avais le même style. Ok. Beaucoup... Là, 95% de l'album a été écrit quand j'étais encore avec cet homme-là. Ouais. Donc non, ça n'a pas d'incidence du tout. C'est plus les rencontres que je fais, ce que les gens me racontent et qui vont faire que j'ai envie d'écrire sur des, voilà, sur des sujets particuliers. Mais du coup, tu as écouté un peu ce que je faisais ou pas? Oui, ben oui, sur Facebook, ben, sur YouTube, en tout. Mais moi j'aime beaucoup. Et je trouve que ça ouvre la porte à de la nouveauté. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. C'est de l'interprétation. Tu interprètes, tu incarnes des chansons avec beaucoup de vie. C'est rigolo parce que... C'est récent en fait qu'on me fasse des réflexions sur comment je suis sur scène, et d'autant plus depuis que je travaille avec François, l'arrangeur guitariste, le fait qu'il prenne lui la guitare et que je me libère de la guitare, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit que je gagnais en expressivité et que c'était vraiment très intéressant pour moi de lâcher la guitare. De printemps où nous nous sommes croisés, c'est dingue, dingue, dingue. Je me sens pétillée, c'est comme des papillons qui dansent au bout de mes doigts, comme si la fée clochette me lançait des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur, des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur depuis ce soir d'été où nous avons dansé. C'est dingue, dingue, dingue. J'ai le cœur tout léger, c'est comme une évidence. Je suis sortie de ma transe, de ma vie triste ou nette. J'en ai fait des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur, des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur depuis cette nuit d'automne où nous avons chanté. C'est dingue, dingue, dingue. J'ai le cœur libéré, depuis tout me sourit. Je dessine et j'écris ma vie pas super chouette. C'est couverte de paillettes, des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur, des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur. Depuis ce matin d'hiver où nous avons c'est dingue, dingue, dingue. J'ai le corps libéré, je me sens belle, je pétille. Je crois même que je scintille comme une licorne qui pète. Je fabrique des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur, des paillettes de joie qui frémissent sous mes doigts, des paillettes dans mon cœur. Oui, j'ai droit au bonheur. Parce que la guitare, c'est un bouclier entre toi et le public. C'est surtout que j'aime bien être autonome dans ce que je fais. Donc, ne pas dépendre de musiciens pour pouvoir aller me produire, c'est quand même le plus simple et le plus portable, le plus portatif, tu vois. Ouais. Et, Kat, par exemple, elle est vite bloquée quand elle veut faire un concert et qu'elle n'a pas de guitariste de dispo. C'est vrai. Mais pas toi, parce que toi, tu es guitariste. Je ne suis pas guitariste, mais je me débrouille. Ouais. Donc, je suis autonome, voilà. Donc à la fois j'ai gagné en expressivité, mais par contre quand je dois refaire un concert solo, derrière il faut que je me réapproprie toutes mes chansons. Ouais, ouais. Parce que du coup François les a arrangées, il a modifié la ligne de texte, enfin la ligne musicale, il a modifié. Et je me suis retrouvée avec un panel d'une dizaine de chansons que je ne savais plus jouer seule. Okay. Ou alors il fallait que je rejoue la version d'il y a 2 ans. Ouais, ouais, okay. Ce qui n'est pas la version de l'album. Non. Tu vois? Ouais. C'est là. Ah merde. Donc, il a fallu que je fasse un travail de... Enfin, un petit travail, c'est pas non plus oufissime, mais ça m'a demandé d'être un peu exigeante sur ce que je faisais. Mais c'était important pour toi de faire un disque pour, en fait, que ça serve de carte de visite, parce que pas de disque, on oublie l'artiste. Pas du tout, en fait, j'ai partie de ces gens qui ont, comme beaucoup d'artistes, un gros syndrome de l'imposteur avec... qui ça peut intéresser ce que je fais. Ah ouais, classique, hein, classique. Ah ouais. Il y en a tellement, pourquoi moi? J'écris pour moi, je vois pas en quoi ça parlerait à d'autres, en fait. Ouais. Et pourquoi je te dis ça? J'ai besoin de travail. Mais donc, du coup, à l'origine... À propos du disque. Oui, oui, à l'origine, le disque... moi, je voulais pas faire de disque. J'avais eu la chance de pouvoir ouvrir un compte SACEM. Ouais. Et j'avais rien mis sur mon compte SACEM, à part la chanson pour ouvrir le compte. Et du coup, j'ai rencontré ce gars qui montait sur Paris pour enregistrer avec une chanteuse des trucs pour lui. Et j'ai fait, bah écoute, t'as tout le matos, est-ce que moi je sais pas faire, est-ce qu'on peut enregistrer mes chansons en filage voix-guitare pour que je puisse les déposer à la SACEM? On m'a fait non, je sais pas faire ça. Ouais, sympathique. Moi, je peux juste te faire des enregistrements. À la limite, je peux te faire des enregistrements passables en radio, tu vois. Hey. Ok. Mes voix guitare, je m'emmerde, okay, je fais pas ça. Ouais. C'est sympathique. Et donc, on s'est retrouvés à faire 13 titres qui sont tous passés à la radio. Ah, c'est bien. C'est bien, ça. Mais ça fait du bien aussi à l'ego. Ah oui, ça fait carrément du bien à l'ego. Mais du coup, on se lance pas dans l'enregistrement du reste de mes chansons. Non, ouais. Parce que maintenant qu'on a un album qui est pas sorti, on veut le faire vivre. Ouais. Et donc, voilà. Mais c'est pas facile. Mais as-tu plus de mélodies dans ton coffre ou plus de textes? Les deux viennent en même temps, mais j'ai beaucoup de textes. Ok. Mes textes et mélodies sont faits de façon synchrone. Ouais. C'est très rare quand j'ai... Si j'ai d'abord la mélodie, je trouve jamais le texte. Ok. Mais généralement, j'écris en chantant. Mais est-ce que tu trouves que dans l'écriture, il y a une continuité ou s'il y a des changements assez fréquents dans le style d'écriture? J'aurais envie de te dire que j'ai l'impression que chaque chanson est très unique, mais... tout le monde me disait que je chantais toujours la même chanson, donc a priori je devais me tromper. Et maintenant que François est passé par là, chaque chanson a vraiment une identité et les gens reconnaissent bien que c'est plus les mêmes chansons. Non, ouais. mais c'était une remarque très vexante, je trouvais. Oui, oui. Et qui est pourtant très logique, hein, parce que moi, quand je vais voir des copains, j'ai aussi l'impression qu'ils chantent tout le temps la même chose. Ah oui? Donc, pourquoi? Parce que le rythme est le même, les mots? Non, mais parce qu'on a une façon d'écrire qui nous correspond. Ouais, mais tous les chanteurs sont comme ça. Maxime Forestier, on pourrait dire qu'il fait aussi... Ben oui, c'est ça. Brassens fait du Brassens, ouais. Goldman fait du Goldman, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas péjoratif, mais eux ont pris ça comme... Non, moi j'ai pris ça mal. OK. En fait, non, c'est vrai, on écrit. Quand on commence à écrire... Alors, il faut déjà l'accepter. Ça... Mais Non? Je suis pas d'accord. OK. Non, si, bien sûr. Je vais pas changer. J'ai une façon d'écrire qui est ce qu'elle est. Oui, ben oui. Mais est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Je sais pas. Ça dépend? Je sais pas du tout. Là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, donc du coup, c'est compliqué. Pourquoi tu n'écris pas beaucoup? C'est parce que tu n'as pas le temps? Ça prend du temps? Non, c'est... C'est... Ouais, c'est... Tu vois, ça dépend. Ok. En fait, ça peut passer par... C'est par vague. Quand j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Ouais, c'est ça, alors tu écris dans l'urgence. Et quand il n'y a pas d'urgence, on... J'écris plus. J'ai quelques idées, mais là, tu vois, j'ai pas réussi à en faire des chansons. Puis surtout, on m'a dit, ah, mais attends, il y a déjà quelqu'un qui a écrit dessus. Tu fais, ah ouais, puis... faut que j'aille écouter ce qu'elle a fait, puis voilà. Non, mais en même temps, tout le monde écrit sur l'amour, puis on continue à chanter l'amour. Oui, mais là, j'avais une vague idée d'un truc qui m'amusait, mais on m'avait. Je sais qu'il y a Sophie Le Cam qui a écrit une chanson sur Ah oui, je l'adore. Ouais. Qu'il faut que j'aille écouter sur les gens gentils. Oui, oui, oui. Voilà. Ben, je l'ai pas écouté, il faut que j'aille l'écouter. C'est une petite chanson de 2 minutes. Hein. Ouais, c'est une ritournelle, comme elle sait les faire. C'est, mais on n'a jamais fait le tour des gens gentils. Oui, c'est ça. Mais il faut que je trouve une autre tournure. Un axe. Parler différent. Des gens gentils. Ouais. Ouais, mais qui dit qu'en l'écoutant, tu ne seras pas peut-être inspiré par la continuité de cette chanson-là? Eh oui, c'est toujours le risque. Je ne sais jamais s'il faut aller écouter ce que font les autres ou s'il faut rester dans sa démarche et ensuite aller écouter une fois que c'est fini. Oui. Ben, c'est peut-être une fois que c'est pondu, je ne sais pas. Parce que là, tu vas savoir ce qu'elle dit puis tu vas peut-être essayer de broder à travers ça. Tu vois. Et tu veux vraiment l'écouter avant? Je sais pas. Ok. Juste, je sais qu'en tout cas, ça freine mon processus d'écriture. Ouais. De savoir qu'il y a déjà quelqu'un qui a écrit là-dessus. Ouais. Ah. C'est cool! Mais il y a plein de sujets qui peuvent être réutilisés. Oui, mais après, je me dis aussi que si ça vient pas, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais. Peut-être que c'était juste inintéressant de ma part de vouloir faire. Non, mais toi, en ayant... Quelqu'un l'a déjà bien fait. Donc ouais, ouais. Mais en ayant l'idée, il y a un intérêt. Pas d'idée, pas d'intérêt. Ben, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que dans ton écriture, on en parlait tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment cerné, tu sens l'évolution ou tu sens que le style reste le même et les sujets changent, mais pas l'écriture? Est-ce que les sujets changent? Ben, les sujets, ils évoluent. Ouais. Avec ce que je vis et ce que les gens autour de moi vivent. L'écriture prend un peu en maturité, mais quand je lis, quand je rechante des chansons de quand j'avais 20 ans, il y a quand même des trucs qui sont très très très matures et très osés au final, que je dirais pas forcément de la même manière aujourd'hui, ouais. mais qui ont toujours du sens. Ma façon d'écrire a évolué, je pense. Après, j'ai toujours autant de plaisir. Je me lasse pas pour l'instant de mes vieux textes. Okay. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les retrouver. Mais comme je te disais tout à l'heure, ça va être par phase. Il y a des phases où je vais les chanter beaucoup, puis je les oublie pendant 10 ans. Est-ce que ça te surprend quelquefois de te relire ou d'arriver sur des bouts de mots ou des bouts de phrases que tu as écrits? Tu es fouillé. Ouais. Est-ce que ça te surprend? C'est moi qui. Non, c'est plutôt des idées du style mince. C'était une bonne idée, mais j'arrive pas à finir le truc. Ok. Donc, j'ai des chansons comme ça qui sont même quasiment finies et où je me dis ah oui, tiens, il y a un tiers qui est intéressant, mais 2 tiers inintéressants, on laisse tomber. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Je sais pourquoi c'est pas allé au bout. Ouais. Ça bloque. Ça bloque à quelque part. Oui, ou parce que quand tu as 2 lignes percutantes sur une chanson entière, c'est pas assez pour rendre la chanson intéressante. Ouais, vois, donc voilà, attends juste, excuse-moi. Pas de problème. Non, déjà, je vais mettre sur silencieux, ce sera pas mal. Mais tu peux prendre des appels, hein, j'ai aucun problème avec ça. Tu coupes après? Ben oui. Même si je dis que je coupe, mais je coupe jamais. Parce que ça rassure. Je coupe jamais. Attends, hop là. Est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Tu l'as voulu, tu l'as fait. Vous étiez deux à choisir ça. Et puis, hey, bonheur. Mais tu t'es pris bien dans ta face. Des réalités qui font mal. Des choses que t'imaginais pas. Du genre, bah en fait, ça ne dort pas. Et oui, ça dort comme un bébé. Eh bien, ça veut juste dire que ça dort 5 heures d'affilée. Oh, vous les parents débutants, on vous a bourré le mou d'ânerie. Ça dormait pas quand tu voudrais. Et en plus, ça dort contre toi. Tu l'as voulu, tu l'as fait. Vous étiez deux à vie et pense juste à ta survie. Dors tant que tu as du temps en prenant toute la place dans le lit. Touche-toi seul pendant des heures et profite du silence aux toilettes. Vous le voudrez, vous le ferez, vous serez deux à choisir ça. Et un jour, c'est sûr que vous serez trois. Ce sera de l'amour et du bonheur, et ce sera bien fatigant. Mais comme on vous aura prévenu, eh bien vous l'aurez moins dans le... Tu l'as voulu, tu l'as fait, vous étiez deux à choisir ça. Et puis, hey, hey, hey. Et je vais prendre une soupe à l'oignon. Gratinée? Est-ce qu'elle est gratinée? Non, elle n'a pas l'air gratinée. Ah. Tu peux lui demander si c'est gratiné. Pardon? Des fois c'est gratiné, oui, il précise pas. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est tellement bien. Hein. C'est juste qu'au moins, comme ça, c'est chaud. Oui. Moi, je prends la même chose. Deux soupes. Ouais. Deux soupes à l'oignon. Ouais. Allez, bah. Et donc, tu me diras quand... Ok, c'est bon? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent tout le temps ou tu essaies de trouver d'autres... Dans les sujets qui reviennent tout le temps, il y a le sentiment amoureux, le démarrage des relations et le désir sexuel et sensuel. Ça, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Quand je relis toutes mes chansons, il y a toujours des phases comme ça sur ces questionnements-là qui sont très, très... Tout le monde les chante, quoi, tu vois. Les chantent ou les vivent. Oui, soit on les chante parce qu'on n'arrive pas à les vivre, ouais. Soit on les vit et on a envie de les chanter. Ouais. Soit on est intrigué parce que les autres vivent et on se demande pourquoi ça fonctionne et pas toi. Quel est le mystère? Quelle est la recette? C'est ça. Et donc oui, ça c'est des thématiques qui reviennent dans beaucoup de mes chansons. Mais là, les dernières années, ça a été beaucoup sur la parentalité. Ouais, ben oui. Et puis aussi, j'ai écrit une chanson sur les ruptures en amitié, qui sera sûrement sur un prochain album, puisque je l'aime beaucoup. Elle est un peu à retravailler, je pense, mais. Est-ce que tu la chantes sur scène, celle-là ? Je l'ai chantée, ouais. Je l'ai un peu chantée l'an dernier, puis j'ai arrêté. En fait. Quand tu te dis que tu as un album qui va sortir, tu décides aussi de recentrer ce que tu fais sur scène pour que ce soit en cohérence avec l'album. Ouais. Okay. Tu prépares tes arrières. Non, mais disons qu'il faut faire un peu de promo de l'album, donc du coup, tu te retrouves à chanter quasiment que ça. Et en même temps, ces chansons-là de l'album, elles avaient évolué par rapport à comment je les chantais à l'origine, donc il fallait que je me les approprie de toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour que ce que je chante sur scène ressemble à ce que les gens vont trouver dans l'enregistrement, voilà. Ouais. Donc. Mais la chanson, même si elle n'est pas terminée, tu la chantes pour vérifier s'il y a quelque chose qui cloche et si oui, à quel endroit pour modifier un peu. Non. Non, là, elles sont terminées. Non, mais celle que tu m'as dit sur la rupture... Ah oui. Oui, ça, il faut ça, je... Mais tu la chantes quand même si elle n'est pas terminée, en guillemets. Ah oui, moi, je fais partie de ces gens qui écrivent une chanson et qui la chantent le soir même en public devant 50 personnes. Ah, c'est bien. Non, je ne sais pas si c'est bien, mais je fais ça. Oui. Ben, c'est en fait, c'est une mise en chantier. Tu la prépares et tu la valides, tu la fais valider. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi l'adrénaline de la création, le besoin de partager et de valider tout de suite. Ouais. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est ça? Est-ce que machin. Ouais. Et puis vraiment, généralement, quand j'écris, je suis dans une espèce d'effervescence où j'ai envie de la faire découvrir à tout le monde. Ouais. Et j'ai envie qu'on me dise que c'est bien. Oui. Et que, encore une fois, c'est percutant et que ça part. Bref, j'ai besoin de faire du bien à mon ego souvent. Ben oui. Très. Est-ce que tu es sensible aux critiques ou. Tu les écoutes sans trop t'en faire? Ah, je suis hyper sensible aux critiques, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais ça a fait que j'ai arrêté de chanter pendant 15 ans. Ah, à cause de ça? Ouais. Bah oui. Pour être avec des gens, quand on n'aime pas ce que je fais, j'arrête. Hein. Ouais. Bah, ah oui, c'est ton copain. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me dire que ça. Bah, si ça a du sens pour moi, bah, ça a du sens pour moi, je le fais pour moi en fait. Ouais. Ça, j'apprends petit à petit, mais je reste hyper sensible. Voilà, par exemple, j'ai une chanson sous le coude que j'ai chantée 2-3 fois et qui a vachement plu. Et puis. et puis la personne avec qui je travaille qui me dit que ça lui plaît pas et j'arrête de la chanter. Ouais, ouais. Il y a aussi le degré, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas ce que je fais et que, avec qui j'ai pas de relation. Ouais, ouais. Ou qu'il n'y a pas de lien. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est pas grave. Critiquer, là. Ouais. Oui, ou quelqu'un qui me dit bah, j'aime pas ce que tu fais mais j'écoute que de la chanson anglaise. Ah oui, bah là. Ouais. Il dit bah c'est pas grave. Bah non, parce que tu chantes pas en anglais. Là. C'est pas grave. Mais quelqu'un qui fait la même chose que toi, qui travaille avec toi et qui te dit celle-là je la sens pas. Ouais. Aïe. Ok. Aïe, ouais, c'est ça. Bon. Peut-être que je me suis planté d'axe. mais déjà là, si ça te plaît, c'est bien parti. Oui, oui, tout à fait. Parce, sinon tu l'arrêtes et tu passes à autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'influencent aujourd'hui pour prendre le crayon pour, Non, ça va vraiment être des émotions et des envies d'écrire sur une... Quand j'ai une idée, c'est l'idée qui sort. Qui démarre. Ouais, qui démarre, ouais, qui sort. Qui a besoin de s'exprimer. Mais j'ai jamais écrit correctement sur commande. Ok. Ah tiens, ce serait bien que tu écrives sur tel truc. Ça sent tellement très intéressant, mais si ça vient pas, ça vient pas. Ah, ouais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse beaucoup de gens autour de moi qui font des ateliers d'écriture. Oui, oui, j'en connais plein. Je me dis, je ferai ça un jour où j'aurai vraiment plus d'inspiration, tu vois. Ah, merci beaucoup. Mais là, en fait. Pas maintenant. Moi, j'ai 25 chansons, je pense, qui sont exploitables. Ok. Donc, et on en a enregistré 13. Donc, j'aimerais aller au moins au bout de l'enregistrement et du travail sur celles qui sont déjà écrites. Oui. Avec un peu de chance, on va retrouver des pépites là-dedans. Oui. Et peut-être que sur les 25 écrites, il y en aura peut-être deux qui seront intéressantes et le reste qu'il faudra acheter à la poubelle, j'en sais rien. Mais on va déjà essayer de travailler sur ce qui est écrit. Alors les 23 autres sont mis de côté, mais tu dois quand même alimenter pour faire une pastille d'à peu près 12 chansons. Donc tu as 10 chansons déjà à écrire, à mettre au monde. Donc c'est de la pression. Bah, elles sont écrites, mais là tu vois par exemple, j'ai écrit en 2020 une chanson sur l'allaitement. Oui. C'est la chanson qui m'a permis d'entrer à la SACEM parce que okay. 24 heures j'avais 5000 vues sur Facebook, ça a été partagé à toi, ouais. C'est quoi le délire, ouais. Que se passe-t-il? Ouais, c'est ça. Et je touchais un point sensible. Et donc je sais que cette chanson a du potentiel, qu'elle parle aux gens, mais elle est passée par la boulinette de François qui arrange les chansons et qui dit mais en fait elle est bien mais elle est trop longue, il faut la restructurer, tu as des répétitions, là ce que tu dis là c'est exactement la même chose que ce que tu dis dans une autre chanson qu'on a déjà enregistrée, bah, mes petits chatons chéris qu'on a clippé derrière, qu'on a mis en clip. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé à retravailler cette chanson-là pour que ça fasse pas de redite avec les trois chansons sur la parentalité qui allaient être dans le même album. Ouais, je comprends. Tu vois? La redondance était là, mais tu voulais plus avoir ce... Bah, c'était embêtant que ça se répète d'un texte à l'autre. Ouais. Il fallait qu'il y ait des... Mais en même temps, ça peut être un film médian entre les deux. Oh, de toute façon, je dis toujours la même chose. Hein. C'est pas si fun que ça, la parentalité. On a le droit de dire qu'il y a des choses qui vont pas, tu vois. Mais non, voilà, ce travail-là, la chanson était très bien telle qu'elle était, elle fonctionnait telle qu'elle était, mais pour les besoins du CD, on l'a restructurée, parce que la cohérence faisait que c'était embêtant. Il y avait d'autres choses qui collaient pas, mais voilà. Voilà, voilà. Mais ça t'arrive sur une chanson de trop mettre le texte et tu dois y pleurer? Comme tu l'as fait sur l'allaitement? Ouais. Ah oui. Et tu vas abandonner la version trop longue pour ta version un peu plus concise? Ouais. Ok. Ouais. Et pour toi, il n'y a aucun problème de la remettre au monde quand tu l'avais déjà placée à un moment donné avec la mélodie? Non, non, si ça a du sens. Bon, j'ai toujours la phase de comment ça, quoi, ce que j'écris n'est pas merveilleusement excellent dès le premier jet, je ne comprends pas. Ouais. C'est très décevant. Ouais. Et je vous en veux terriblement de me dire que c'est pas parfait. Une fois que ce truc très égocentrique et narcissique est décapé. Oui, est passé. Généralement, j'adhère quand ça me semble faire sens. Voilà. si ça me semble aller dans le bon sens de la compréhension en face et une synthétisation du sujet, un truc qui est plus direct. Si on gagne en lisibilité pour l'écoute, j'adhère. Ouais. Ouais. Ça me dérange pas. C'est très rare quand je dis non, ça on n'y touche pas. Okay. Très très rare. Mais dans l'écriture. Il faut dire aussi que j'ai pas d'ego. Hein, donc, mon ego est très faible, donc on peut à peu près me faire faire tout ce qu'on veut. mais c'est pas parce qu'il est faible que tu tiens pas ça en considération. Tu es très touché parce que l'on dit. Oui, têtes, ah oui, oui, je suis hyper touché, bien ouais. sûr. Mais touché aussi, meurtri parce que quelqu'un aime pas oui. certains passages, tu peux. Ouais. Deux pieds, Judith avait deux mains. Elle avait les yeux noirs, elle n'aimait pas les siens. Faisant tout le temps la gueule, elle allait son chemin, aspirant à autre chose car cet immonde purin. Mais que foutait cette fille, je vous le demande à vous, puisqu'elle n'en savait rien. Est-ce que ça valait le coup? Judith vivait le jour, Judith vivait la nuit, mais sans jamais dormir, c'est pas vraiment la vie. Elle restait enfermée, en pyjama toujours, regardait la télé et bouffait tout le jour. Mais que foutait cette fille, je vous le demande à vous, puisqu'elle n'en savait rien. Est-ce que ça valait le coup? Un jour, la haine en elle fut plus forte que le reste. Elle décida de sortir et de devenir peste. Peste, quelle bonne idée, quel nom de tragédie. Quel avenir devant elle, oh, quelle épidémie. Judith, messieurs, mesdames, se révéla d'un coup. La voix s'y griffe dehors, prête à chercher des poux. Magie noire, de peste détestable, elle devint redoutable. Tremblée de tous vos genoux, Judith qui n'était rien est devenue sorcière, torturant les petits chiens. Tremblée. Mais du coup, après, c'est diffusé sur quoi? C'est KRL, qui est la plus vieille radio communautaire francophone au monde. Okay. On a 50 ans cette année, au mois de février. On fête notre 50e vendredi, pas vendredi ici, mais l'autre vendredi. Et donc, nous, on a eu comme principe de lancer une radio communautaire. Donc, on s'est, en France, ils voulaient commencer à faire la même chose. Mm-hmm. Et on s'est présenté avec notre matériel, notre façon de faire, comment nous on a procédé, les permis, tout ça. Et ça a donné des Carbone 14. Ça a donné, non, Carbone 14, les Super Nanas. OK, oui, d'accord, OK. Ça a donné des La Fesse. Ça a donné des émissions de Coluche. OK. Ça a donné à la radio. Ça a donné plein de choses. Et puis, vous avez instauré les radios libres en 82. Nous, notre radio est née en 73, en février 73. Donc, 50 ans cette année. Okay. Et moi, j'ai une émission depuis 18 ans. Et en fait, la première heure, c'est l'improvisation sur l'absurde. Et la deuxième heure, on va arriver sur quelque chose de plus normatif, c'est mes rencontres. Okay. Et dépendant de la durée de la rencontre, ben, je peux faire une semaine avec un artiste, deux semaines ou trois semaines, dépendant. Et si c'est un comédien, je place de la musique. Si c'est un auteur, compositeur, interprète, je place sa musique. Et si je rencontre une comédienne ou un comédien qui a fait une pièce de théâtre et que j'étais là, je prends des captations même si je n'ai pas le droit et que je le présente à travers ces rencontres-là. On n'a pas le droit de prendre aucune captation, mais j'ai des micros qu'on peut pas, on peut pas voir, mais pas ceux-là, là. Hein? Ceux-là sont visibles, mais... Et donc, du coup, ton audimat, tu t'es écouté par qui? Ben, des auditeurs du Québec, de Québec, des gens qui font des balado-diffusions. Donc, il y a certaines émissions, je peux savoir qu'il y a 150 personnes qui ont... l'émission. Okay. Et comme j'ai deux liens de CKRL pour aller télécharger, mais j'ai aussi mon site de mon émission sur un blog. Donc je peux savoir qu'une semaine, ben, il y a 300 personnes qui ont téléchargé, sans savoir combien d'auditeurs ont écouté, parce que ça, on n'est pas recensé comme dans une radio commerciale. On est recensé, on remet au CRTC, qui est notre gouvernement de la radio, les titres qu'on a joués pour savoir si les gens peuvent être payés. Mais nous, ça, on ne peut pas savoir combien d'auditeurs et auditrices, mais on sait le profil des auditeurs et auditrices. C'est parce qu'on a fait, à un moment donné, un sondage qui nous a coûté un peu cher. Et on a su que c'était des universitaires. C'était des hommes et des femmes de 35 ans et plus. C'est grosso modo, là, ça adresse avec un revenu social plus élevé que la moyenne. OK. Donc, des CSP plus, comme on dit. Pardon? En France, on appelle ça les CSP plus. Ah, OK. C'est d'avoir le profil de l'auditeur, c'est ça? Non, le... CSP+, ça va être les critères socio-professionnels. OK, oui, oui. Plus, ça veut dire que c'est des gens qui ont des bacs plus, machin. Oui, exactement, c'est voilà. Ça. Exactement, oui, c'est ça. C'est des professionnels, en tout. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas des enfants. Moi, j'ai commencé à écouter CKRL. J'avais 6 ans, donc ça ne m'enlève pas le... Avant ça, c'était une radio beaucoup plus expérimentale. Aujourd'hui, c'est rendu une radio où il y a des vrais passionnés de jazz, de blues, de chansons françaises, de BD, de littérature qui viennent s'entretenir avec des professionnels à la radio. Donc, ça fait une radio de vraiment des gens très, très, très, très passionnés. Et ben, c'est une radio vivante qui essaie de donner le mieux possible à ses auditeurs. Les gens peuvent devenir membres à CKRL, être carte de... D'accord. Alors, mais c'est bien aussi, parce que sinon, on ne peut pas vivre, nous. Le gouvernement nous donne juste 35% d'argent. Et d'accord. Le reste, c'est les auditeurs, les radios, tout ça. Okay. Et ça nous permet de nous rendre plus loin. Je vais sortir tout de suite le CD, parce que... Vu comment je suis perturbée, j'ai risque d'oublier de le passer. Désolée. Hein. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas de ta faute, c'est moi qui... Super. Et les 13 titres sont là-dessus? Ouais. Merci. Normalement, j'ai mis... À l'intérieur, t'as le... Ouais, t'as la liste des titres. OK, oui. Sont... Parfait. Exactement, 13 titres. Oui, c'est ça. Ce titre. Alors, lors de notre rencontre, ben, je vais diffuser tes chansons. OK. Merci. Eh bien, regarde, on va finir là-dessus, parce que je termine toujours mes rencontres en disant à la revoyure. Donc, à la revoyure. À la revoyure. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Le plaisir. Même que je les ai allaités 6 mois, tu crois? 4 putains d'années. 6 ans pour être précise, si tu cumules les deux gosses et encore, je te dis pas, elles ont dormi avec moi. Quand tu te lances dans ce genre de truc, tu penses pas que t'iras si loin. T'as ce bout de chou mignon tout plein, et juste tu lui donnes ton sein. Tu découvres des termes étranges qui sortent de ton univers, scientifique ou absurde, un nouveau vocabulaire, des mots qui sortent de nulle part, cododo, continuum. Fais attention au mastit, donne-lui bien ton colostrum. Prends un bal, tu sais, faut que tu choisisses un tire-lait. Tu n'entendras ça que là, dans ces mois hyper chargés. Ils appellent les congés. Bah quoi? C'est des congés, non? Bah t'es tranquille à la maison avec les gosses, ça va, tu vois. Je les connais, non? Du reste, l'existence des freins buccaux. Si ça se trouve, ton môme, il a même un RGO. Faudrait faire des évictions. Commence par les PLV. Tu dis V, je dis P. Tu dis soja, je dis C. On te parle de positions qui ont des noms trop trop bizarres. Ballon de rugby ou madone. Tu fais du sport ou de l'art. La louve ou l'étoile de mer, c'est du doc animalier. Mais la seule à retenir, c'est la position dégoûtée. La BM. Je dis ces mots compliqués juste pour donner à manger. Heureusement, tu sais, ça coule tout seul parfois. Peut-être bien que toi, tu ne passeras pas par là. T'auras peut-être des mots que tu vas peut-être allaiter pour 3 heures, 3 mois, 18 ans. Tu feras comme tu voudras, mais surtout ne t'inquiète pas, il y aura plein de gens pour t'aider face à ces mots compliqués. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.